Run the Track Radio Show sur Campus Lille, 15 ans déjà. Pour fêter ça, on vous donne rendez-vous le vendredi 24 novembre pour le Run the Track Wall Night Radio Show. 10 heures de programme en direct de 21h à 7h du matin, 100% reggae et dancehall. On commencera la soirée de 21h à minuit à la MDE pour un concert live, ouvert au public et gratuit avec les Summer d'Espoir et Don Gregor. On rejoindra ensuite les studios de Radio Campus Lille à partir de minuit avec Mista Aya, Irie Nation, Selector d'idées, Manin Crew, Ice Session, Wicked Driver, Chaka Patan et beaucoup d'autres pour animer la nuit jusque 7h du matin. Rendez-vous donc le 24 novembre à partir de 21h à la MDE et sur les ondes de Radio Campus Lille 106,6. Qui n'aime pas le soleil, celui qui perd son sang-froid, il y a celui qui... Votre attention, s'il vous plaît. Veillez à ce qu'il n'y ait aucun obstacle qui gêne la retransmission d'angle d'attaque et que rien ne s'oppose à l'ouverture à une autre vision du monde. Angle d'attaque, tous les troisièmes samedis du mois, de 12h à 13h sur Radio Campus. Bonjour, il est un peu plus de midi en ce troisième samedi de novembre et vous écoutez avec raison Radio Campus 106,6 MHz ou sur campuslille.com. C'est l'heure d'angle d'attaque proposée par les trois attaques de la métropole. Attaque A2TAC, l'association pour la taxation des transactions financières et pour l'action citoyenne. Aux commandes, à la table de mixage, le maître du temps Florent et autour de la table, le trio... René La Science, bien sûr. Bonjour. Oui. Ludovic et Christian. Et puis Louis étant souffrant, malheureusement, mais enfin, il nous a envoyé un papier fort intéressant. De quoi parlons-nous aujourd'hui? Ah ben non, il y a Robin aussi qui vient en observateur de l'émission. Bienvenue, Robin. De quoi parlons-nous ce jour-là? De pouvoir local, du pouvoir des élus locaux, le titre de l'émission, les pouvoirs locaux en question. Pourquoi ce thème inhabituel à angle d'attaque, plus coutumier des thèmes nationaux? Eh bien parce qu'il nous semble que la démocratie va mal dans ce pays. En tout cas, elle pourrait aller beaucoup mieux. Après les ordonnances sur le code du travail et autres décisions quelque peu autocratiques du président de la République, on y reviendra en particulier sur la territorialisation, se pose la question du pouvoir au niveau inférieur de la République, surtout après une kyrielle de réformes territoriales ces dernières années qui ne nous disent rien de bon. Pour dire notre avis. Tous les échelons sont touchés, les régions, les départements, les communes désormais réunies dans des intercommunalités, les établissements publics de coopération intercommunale, que nous pensons mal connus des citoyens en plus. C'est tout notre rôle d'éducation populaire que nous allons jouer une fois de plus aujourd'hui. Pour en parler, nous avons invité une spécialiste de la question, puisqu'elle est co-auteure cette année avec Rémi Lefebvre d'un manuel très utile chez Armand Collin, Sociologie politique du pouvoir local. Ne vous inquiétez pas trop du titulé quelque peu universitaire, c'est tout à fait lisible et c'est vraiment très pratique pour connaître un peu ce qui se passe dans nos régions, dans nos départements et nos communes. Notre invité du jour est professeure des universités à l'Université de droit et santé de Lille 2. Elle est spécialiste de sociologie de l'action politique et de la territorialisation. Bonjour Anne-Cécile Douillet. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de m'avoir invité. Nous vous avons proposé, vous avez accepté d'aborder la question du pouvoir local en deux grandes parties. Une partie qui sera consacrée aux institutions et la seconde partie, ce sera plutôt René, et une seconde partie sur les élus locaux et la démocratie participative, ce sera plutôt Ludovic. René, donc, c'est toi qui commences avec une question d'ordre général, mais on va finir au fur et à mesure. À toi, René. D'accord. Eh bien, justement, donc au plan institutionnel, quel sens le législateur a-t-il voulu donner aux différentes réformes structurelles les plus récentes, comme la taille des régions, le nouveau rôle des départements, les métropoles départements, les intercommunalités, etc. Alors, beaucoup de réformes, effectivement, de nature différente, puisqu'il y a à la fois des remodelages géographiques, avoir des collectivités de plus grande taille, il y a des tas de réformes qui consistent en des transferts de compétences d'une collectivité à l'autre, des réformes qui concernent les finances locales. Donc, beaucoup de choses, a priori, très différentes. Mais... ce qui rassemble sans doute ces différentes réformes, c'est que elles sont largement justifiées aujourd'hui par le souci, par un souci budgétaire, par un souci de faire des économies, de limiter les dépenses publiques. Ce qui est assez intéressant à souligner parce que historiquement, ce n'est pas du tout avec ce type de justification qu'on a promu la décentralisation ou plus largement les réformes territoriales. Ça a d'abord été promu au nom de la démocratie. C'était l'idée de rapprocher le pouvoir des citoyens. Et c'est encore un argument qui est mis en avant par les politiques, mais c'est vrai que, très officiellement, cet objectif de diminution de la dépense publique, de rationalisation de la dépense publique, est affiché pour justifier aussi ces réformes. Alors, effectivement, on a connu une période, on est quand même un pays jacobin, hein, on est quand même un pays centralisateur, on a connu une période plutôt décentralisatrice avec Giscard d'Estaing, le référendum de Gaulle en 1969. Et à partir de 1981, je pense à Mitterrand, mais surtout à Gaston Defferre, qui a imposé les régions. Donc on était dans une période de décentralisation, avec des moyens réels accordés aux communes, aux départements, aux régions surtout, pour développer leur activité, pour développer l'activité économique. Et ce que vous dites me semble être beaucoup plus proche de la période actuellement. Oui. Vous voulez dire ce souci de la budgétaire. Oui. Oui, tout à fait. C'est quelque chose au moment de ce qu'on a appelé l'acte 2 de la décentralisation, c'est-à-dire ce qui s'est passé dans les années 2003-2004. Déjà, on voit apparaître à côté de l'argument de la démocratie, on voit apparaître l'argument de l'efficacité. Il s'agit de décentraliser pour être plus efficace. Un autre tournant, c'est 2008, crise financière, et effectivement, Nicolas Sarkozy s'appuie sur cette crise financière pour justifier les réformes territoriales en cours et la loi à venir ensuite en 2010 de réforme des collectivités territoriales qui notamment créera les métropoles et supprimera la taxe professionnelle. Donc effectivement, cet argument budgétaire, hein, et cet argument que décentraliser, c'est rationaliser et c'est être plus économe, c'est quelque chose qu'on a vu se développer au cours des dernières décennies. C'est pas non plus uniquement les dernières années, vous voyez, on peut faire remonter ça quand même au début des années 2000. C'est ça, oui, au début des années 2000, en effet. Mais alors, a fortiori, à partir de 2008, on a bien l'impression que les coupes dans les dépenses publiques, enfin les coupes qui sont demandées et qui sont faites d'ailleurs auprès des collectivités territoriales, quelles qu'elles soient, ont bien un autre argument en toile de fond. Je ne sais même pas si c'est toile de fond, c'est peut-être en première ligne, le fait de faire payer la crise d'une certaine façon aux communes et de limiter précisément l'action publique des collectivités territoriales qui ont justement un pouvoir contracyclique dans la crise, vous voyez. Donc voilà un peu le cadre général. On pourrait peut-être, René. Oui, il y a une petite question annexe aussi. Si vous pouviez définir un peu les liens entre tous ces espaces infrarégionaux que sont départements, communes, régions, et les liens même de ces espaces avec l'État. Comment leur relation, est-ce qu'il y a, enfin, on le voit d'ailleurs, est-ce que bon, finalement l'État a repris en quelque sorte la main, etc. Enfin, voyez un peu Question. Alors, oui. Alors, peut-être faut-il refaire un petit point, y compris sur l'histoire de la décentralisation. Vous le rappeliez, effectivement, les grosses réformes de décentralisation en France, c'est au début des années 1980, les lois de 82-83, même si vous l'avez rappelé aussi, il y a déjà une première étape importante sous le mandat de Giscard d'Estaing, avec en particulier la décentralisation fiscale, c'est-à-dire que c'est une loi de 1980 qui permet aux collectivités territoriales de fixer le taux des quatre taxes historiques qui leur reviennent, taxes d'habitation sur le foncier bâti et non bâti, taxes professionnelles, etc. Donc effectivement, déjà un élément important donc, qui fait que là, il y a une forme d'autonomie fiscale qui leur est donnée. Et en 82-83, une forme là, d'autonomie administrative, puisque jusqu'alors, le préfet exerçait la tutelle, enfin oui, l'État avait une tutelle sur les collectivités territoriales, oui. C'est-à-dire que leurs décisions devaient être approuvées par l'État avant d'être exécutoire. Donc, depuis, ce n'est plus le cas. Et puis, cette décentralisation du début des années 80, elle donne aussi de nouvelles compétences aux collectivités territoriales, donc aux communes, aux départements et aux régions qui sont alors créées en tant que collectivités territoriales. Donc, on leur dit, c'est à vous. Par exemple, à la commune, c'est à vous de, d'agir en matière d'urbanisme. Vous en êtes responsable. Au département, on dit, effectivement, les politiques sociales, c'est vous. L'action sociale, elle vous revient en premier. Les régions, l'aménagement du territoire, le développement économique, c'est à vous. Donc, il y a non seulement des moyens financiers, des moyens juridiques, mais aussi des formes de missions qui sont confiées aux collectivités territoriales. Le cadre juridique général, il n'a pas vraiment évolué. En revanche, effectivement, là où les choses changent, c'est que l'État diminue les ressources financières des collectivités territoriales qui, du coup, se retrouvent privées de moyens d'action. Donc c'est effectivement aujourd'hui par ce levier-là que l'action des collectivités territoriales est enserrée et non pas par une redéfinition, vous voyez, des relations juridiques entre l'État et les collectivités territoriales. Alors il y a peut-être un autre point important qui est la clause générale de compétence, la clause de compétence générale, parce que c'est aussi un autre moyen à travers lequel, finalement, les politiques récentes essayent d'encadrer l'action des collectivités territoriales. Donc, historiquement, cette clause de compétence générale, elle est intrinsèquement liée à la définition même, en fait, d'une collectivité territoriale. On définit, finalement, ces autorités comme des collectivités territoriales parce que, justement, au-delà des compétences qui leur sont attribuées, elles peuvent intervenir sur tous les domaines qui concernent leur territoire d'action. Voilà. Donc c'est l'idée que ce n'est pas simplement des établissements publics qui ont des missions justement précises à exécuter, mais elles ont une dimension politique et elles peuvent s'occuper de l'ensemble de ce qui concerne leur territoire. Et effectivement, avec différentes allers-retours qui ont montré à quel point ça a été difficile, eh bien, depuis 2015, depuis la loi NOTRe de 2015, les départements et les régions n'ont plus de compétences générales. C'est-à-dire que aujourd'hui, les départements et les régions ne peuvent. Ah non, les communes ont toujours la compétence générale. Ah bon, d'accord. Ouais, voilà, ça n'a concerné que les départements et les régions. Donc forcément, là aussi, c'est une manière de limiter leur action. Oui, et là aussi, même si ça a pu être justifié au nom d'une clarification, d'un système qui soit plus lisible, parce que comme ça, on sait ce que chacun doit faire, mais il est évident qu'en limitant le champ d'action, potentiellement, on limite les dépenses. Et ça a aussi été annoncé très explicitement. Il s'agit en fait de recentrer les collectivités sur leur mission première et de limiter finalement leurs investissements dans des domaines considérés comme plus annexes par rapport à leurs compétences centrales, quoi. C'est-à-dire que c'est à l'État qui décide quels sont précisément les pouvoirs du département et de la région. Ils sont définis par la loi. Ils sont définis par la loi, ce qui est quand même une limitation sérieuse de l'activité de leur pouvoir. Tout à fait. Même si c'est toujours un peu compliqué d'opposer fortement ce qui serait d'un côté l'État. Oui. Est-ce qu'il serait de l'autre côté les collectivités territoriales ? Parce que par rapport à cette question des compétences, si on regarde quelle a été la dynamique de la décentralisation. On voit bien que les élus locaux eux-mêmes, finalement, ont joué un rôle important dans la définition de ce qu'ils prennent en charge ou pas. C'est-à-dire que, parce qu'il y a aussi forcément des enjeux de pouvoir local, c'est-à-dire de s'affirmer sur un territoire comme ayant une capacité d'action. Ce que je veux dire, c'est que voilà, faut pas forcément y voir l'idée d'un pouvoir central qui contraindrait des autorités locales. Il y a aussi des jeux entre les élus locaux et l'État central. Oui, je crois que si c'est une impression qu'on peut avoir, elle est légitime aussi. Enfin, elle est un peu justifiée quand même. Hein. Bon, en plus, mais là où je vous rejoins complètement, c'est qu'effectivement, il y a un tableau fort éclairant dans votre ouvrage sur le nombre de députés qui sont aussi maires de communes, présidents de département. Sans parler des sénateurs qui ont exactement la même chose. J'ai compté en fait sur les. Il y a plus de mandats que de députés en fait. Il y a plus de mandats locaux que de députés en fait. Hein. Ça veut dire qu'il y a des députés qui ont plusieurs mandats locaux dans le bloc. Mm-hmm. C'est ça que ça veut dire. Mm-hmm. Bon, effectivement, et c'est eux qui votent. Donc le législateur, c'est eux aussi. Hein. Donc là, je vous rejoins là-dessus. Et pourtant, enfin, on semble que l'État, et j'allais dire particulièrement avec la crise économique, l'État intervient de plus en plus de façon pointue dans le manque de fonctionnement des communes, des collectivités locales en général, jusqu'à les décisions qui sont prises de façon quelque peu autocratique, je l'ai dit en introduction, sur les collectivités territoriales par l'actuel président de la République. Donc vous pensez à la taxe d'habitation, j'imagine. Je pense évidemment à la taxe d'habitation, mais je pense aussi, j'ai lu un article d'interview de François Baroin qui craint la rupture avec les élus locaux. On en parlera la semaine prochaine apparemment, puisque c'est le 100e congrès des maires de France. René, peut-être une question ? Oui, justement. Est-ce que, justement, à partir des années 80, donc cette politique à la fois de décentralisation, de donner plus de poids, on va dire, aux collectivités locales, et peut-être aussi la vision, justement, qu'avaient de leur rôle les élus locaux en même temps, puisqu'ils ont participé aussi à cette émancipation. Est-ce qu'elle n'était pas, imprégnée des dogmes du néolibéralisme, c'est-à-dire que le but était un peu de favoriser les grandes métropoles de dimension mondiale par rapport au reste du territoire? Est-ce qu'à cette époque-là, il n'y a pas ça qui a joué aussi? Dans les années 1980, c'est une problématique qui est quand même beaucoup moins présente qu'aujourd'hui. C'est-à-dire que cette question de la métropolisation et cette question des territoires, vous voyez, qui soient d'un poids économique suffisant, c'est quand même une thématique qu'on a vue monter à partir des années 1980, mais qui est assez peu présente dans les débats sur les lois de décentralisation dans les années 1980. Donc ça, ceci dit, vous mettez l'accent sur quelque chose d'important aujourd'hui, dans les dynamiques des réformes territoriales aujourd'hui, parce qu'effectivement, ces réformes territoriales, qu'il s'agisse de la promotion des métropoles, ou qu'il s'agisse de la fusion des régions, qui a eu lieu sous la précédente présidence de la République, ce sont des réformes qui sont largement nourries par cet imaginaire du « big is beautiful » et efficace. Être grand, c'est efficace, c'est être puissant, c'est être attractif dans la compétition mondiale. Donc ça aussi, c'est quelque chose de relativement nouveau, on va dire, de quelque chose qui marque l'évolution des politiques de la réforme territoriale, c'est l'émergence de cet enjeu de l'attractivité, de la compétitivité. Donc d'un côté, effectivement, on agit sur les collectivités territoriales pour nourrir les politiques de rigueur, c'est-à-dire on en fait des instruments des politiques de rigueur budgétaire, en reportant sur elles, finalement, la charge de réduire la dépense publique. Et d'un autre côté, par ailleurs, donc, on en fait aussi des instruments d'une politique de compétitivité, en faisant reposer sur elle beaucoup d'attentes, effectivement, en termes de croissance, d'attractivité territoriale, etc. C'est un peu aussi mettre en avant la grande métropole par rapport aux autres territoires et aux États. Puisque finalement, dans leur vision du monde, il y aurait les, ben, il y aurait bon, plusieurs rangs, mais les très grandes métropoles de renommée mondiale qui seraient un peu les, comment dire, les leaderships de du système, quoi. Oui, en tout cas, ça traduit une vision des choses qui accorde plus d'importance à l'attractivité et la compétitivité qu'à la redistribution et l'égalité à l'échelle territoriale. C'est sûr qu'en insistant sur ces dimensions-là, en revanche, on met de côté tous les enjeux, effectivement, de redistribution territoriale et de lutte contre les inégalités territoriales. D'égalité territoriale, oui, c'est ça. Oui, pour dire le mot, on est en pleine idéologie. On ne va pas se tromper, quand même. L'idéologie de la compétitivité, du meilleur, et en plus, vous l'avez dit, du rayonnement aussi des villes, ou des métropoles, c'est bien ça dont il s'agit. Est-ce qu'on n'est pas en train, justement, avec cette focalisation ou cette omnibulation des grandes métropoles, c'est issu du rapport Balladur, du comité Balladur. Les métropoles, ça dépasse largement le comité Balladur, qui sont centrés plus sur les questions du département. Et... C'est vrai. Et puis les grandes régions, vous avez raison. Mais on est... est-ce que c'est pas au détriment du reste de la nation? On est quand même un pays où il y a une grande partie qui est périurbaine, mais surtout rurale. D'ailleurs, on n'a pas encore parlé des intercommunalités, mais l'intercommunalité, c'est compliqué dans la ruralité. Elles peuvent être distantes, très distantes, et ça peut poser des problèmes. Mais j'ai l'impression que cette idéologie qui fonctionne sur soyons les meilleurs, soyons les plus compétitifs, battons les autres, est au détriment d'une bonne partie de la population française. Qu'en pensez-vous ? Bah, en tout cas, dans le discours, c'est évident. C'est-à-dire que c'est évident que ça installe l'idée que l'objectif... c'est d'abord d'être attractif et que la compétitivité, c'est l'objectif premier et le reste suivra, ça ruissellera, diraient certains. Ouais. Donc, c'est effectivement, en termes de représentation, c'est évident que c'est l'idée que ça renvoie. Après, il est plus difficile de juger les effets que ça peut produire, parce qu'effectivement, il y a quand même une part de mythe très, très important. Je pense là notamment en particulier à cette idée de fusion des régions, à cette idée qu'il faut des régions plus grandes pour être plus compétitif. Je ne vois pas en quoi, en fait, le fait d'avoir des régions plus grandes produirait mécaniquement une plus grande compétitivité territoriale. C'est-à-dire que, surtout que, effectivement, il y a toujours aussi cette idée de comparaison internationale. Donc, c'est l'idée, effectivement, faut se caler sur les modèles internationaux où on a des régions d'une taille critique importante. Mais la taille en soi ne dit rien. Encore une fois, faut-il savoir déjà quel budget disposent les collectivités ensuite pour agir dans le cadre de ces grandes régions. Et puis ensuite, encore une fois, reste à savoir quelles politiques sont menées dans le cadre de ces grandes régions. Donc, c'est-à-dire qu'effectivement, ce sont des réformes qui fonctionnent beaucoup comme ça, avec des imageries simples et des raccourcis, avec cette idée, effectivement, être plus grand, c'est être plus efficace. Alors qu'il n'y a absolument rien de mécanique dans ça. Comment vous expliquez que cet imaginaire structure manifestement que ce soit un imaginaire qui soit extrêmement répandu chez les élus, y compris de droite comme de gauche? C'est quoi? C'est le fait qu'ils soient tous issus des mêmes écoles, etc. En quoi ça? Comment vous expliquez que cet imaginaire est extrêmement présent Alors, on peut y voir peut-être justement un effet de la décentralisation. Alors évidemment, ce n'est pas la cause unique, parce qu'effectivement, il y a plus généralement une diffusion de ce type d'idées, d'idéologie, vous diriez-vous. Mais cet attachement des élus locaux au développement local, au développement territorial, je pense que ça a aussi été nourri par la décentralisation elle-même, parce que ça a mis les élus, justement, en responsabilité. Ça les a, finalement, ce qui a accompagné la décentralisation, c'était ce discours, maintenant, c'est à vous, élus locaux, de faire vivre votre territoire. Vous en êtes responsable. Donc, c'est vrai que ça a alimenté cette image de ce que certains ont appelé le maire entrepreneur, le maire... Vous voyez, c'était plus simplement le maire bâtisseur, mais c'était aussi le maire entrepreneur, celui qui a à cœur, vous voyez, de faire de son territoire un territoire vivant, innovant, etc. Donc, je pense que ça a participé, en fait, à généraliser cette vision, effectivement, du développement comme objectif prioritaire. Oui, avec les problèmes qu'on connaît particulièrement, je pense au livre de vos collègues Sociologie de Lille, où le rayonnement, la compétitivité façon Mauroy-Aubry, c'est l'aboutissement d'une métropole la plus inégalitaire de France. René a une question. Justement, le fait de... On parle à lutte. De l'expression maire bâtisseur et surtout maire entrepreneur, c'est déjà un clin d'œil en quelque sorte aussi au libéralisme. C'est, au fond, c'est l'entreprise partout. Quoi. Même les communes deviennent des entreprises, ça pose question aussi. Quoi. Oui, tout à fait. Enfin, en tout cas, c'est assez... révélateur, effectivement, de la division d'une certaine façon de concevoir l'objectif premier des politiques locales, effectivement. Mmh. On passe à la deuxième partie. J'ai trouvé une très belle phrase. C'est cela un maire, un homme, une femme qui porte le vivre ensemble et la valeur des libertés, d'égalité et de fraternité au quotidien. C'est cet engagement qui va être fêté à travers le 100e congrès la semaine prochaine. Je suppose que ça doit être de François Baroin, quelque chose comme ça. On va parler de démocratie participative avec... Je rebondis sur la phrase. Il faudrait compter le nombre d'occurrences du mot « vivre ensemble » répété. je l'entends partout, y compris chez des acteurs associatifs. En particulier, oui. Même à la Bresse, même chez des gens critiques. Bref, une parenthèse. Le vivre ensemble, ça m'horripile. Bon. Oui, alors la démocratie participative, vous en parlez dans votre livre, vous parlez d'idéologie participationniste, on parle beaucoup d'idéologie dans cette émission, et vous dites qu'évidemment elle est très très répandue, hein, c'est devenu un standard de l'action publique, et donc elle se manifeste à travers par le biais de différents dispositifs, que ce soit les enquêtes d'utilité publique, le référendum local, les procédures de concertation en matière d'urbanisme, les jurys citoyens, etc. Et vous pointez du doigt, enfin vous mettez en avant une littérature plutôt critique sur la question, qui tend à montrer qu'effectivement que les élus locaux globalement restent plutôt attachés à la démocratie représentative et que la démocratie participative reste avant tout un outil de communication qui sert à légitimer leur pouvoir et que finalement de participation il n'en a que le nom véritablement, c'est-à-dire que on fait participer les citoyens sur des choses qui sont mineures et globalement in fine la décision revient à l'élu, quoi. Voilà, en tout cas c'est la revue de littérature que vous faites. Bon, alors qu'on pourra peut-être effectivement discuter, c'est plutôt une littérature critique, mais est-ce que finalement la démocratie participative a réellement est un leurre, ou est-ce qu'il y a vraiment des expériences réellement participatives en France ou dans d'autres pays qui ont été menées? Est-ce qu'on ne peut avoir qu'un regard critique, ou aussi avoir un regard... Il y a toujours possibilité de nuancer, c'est évident. Non, mais c'est-à-dire qu'il est toujours possible de montrer qu'effectivement, dans telle instance, des choses ont pu émerger, y compris même dans le cadre des instances nationales comme la Commission nationale du débat public. Très ponctuellement, il a pu arriver qu'un projet, finalement, de contournement autoroutier soit remis en cause. Donc, il est toujours possible de montrer que ponctuellement il y a des décisions qui sont remises en cause, et puis il est aussi possible de montrer et ça de manière justement peut-être moins anecdotique, que dans ces espaces, eh bien, peuvent se jouer des phénomènes malgré tout de, d'apprentissage, c'est-à-dire de, ça peut être des espaces d'information, de prise de connaissances, des espaces de sensibilisation en fait, qui donnent envie ensuite de se mobiliser autrement vis-à-vis de certains projets. Mais voilà, c'est vrai que le cadre général, si vous voulez, qu'on peut retirer de l'analyse de ce qu'on peut appeler d'ailleurs plutôt qu'une démocratie participative, de ces politiques de démocratie participative, c'est-à-dire de ce souci qu'ont eu les collectivités territoriales ces dernières années de mettre en place tous ces dispositifs. Voilà, ce qui ressort de l'analyse de ces politiques locales de démocratie participative, eh bien, c'est effectivement que ça a été des politiques, effectivement, d'une part, peu investies par les citoyens eux-mêmes, donc ce qui est déjà une première limite, c'est-à-dire oui. que, effectivement, il y a beaucoup d'instances participatives, mais finalement, assez peu de participants. Ou avec des participants qui sont souvent ceux qu'on retrouve... Par ailleurs, voilà, l'un n'empêchant pas l'autre. Avec une sociologie... C'est-à-dire qu'à la fois, ils sont peu nombreux et ils sont déjà participants par ailleurs. C'est voilà. ça. Donc, tout à fait. Donc, ça limite, ça limite justement cet effet d'entraînement que ça pourrait avoir. Et puis, effectivement, par ailleurs, ces dispositifs ont le plus souvent été conçus. C'est-à-dire que c'est même pas un effet non voulu. C'est-à-dire qu'ils ont été conçus principalement comme des dispositifs de consultation. Et pas du tout comme des dispositifs de co-décision. Donc, de toute façon, il n'y a pas eu de... là-dessus, c'est, d'une certaine façon, c'était relativement clair. Mais il est vrai que ce sont des dispositifs qui ont pu susciter beaucoup d'attentes et qui ont justement, parce qu'on entretenait un certain flou sur leur rôle véritable, eh bien, forcément, laissent beaucoup prise à la critique ensuite, parce que il est évident qu'ils n'ont jamais été conçus dans le cadre de ces politiques-là comme visant à inverser la logique de la démocratie représentative. Hein, c'était effectivement des formes de soutien presque, parce qu'il y a beaucoup d'enjeux de légitimation dans tout ça, de forme de soutien finalement aux élus locaux. Quoi. Oui, vous faites allusion effectivement à une politique de l'offre, en fait, dans votre ouvrage, et avec une initiative totalement descendante, c'est bien les élus qui décident, en fait, au final, comme le dit Ludovic René, une question. Simplement, c'est les élus qui décident, et la démocratie participative a souvent servi à justifier leurs décisions, légitimées par l'approbation. Et par le simple fait d'avoir consulté. Voilà. Alors, puisqu'on a parlé aussi de représentativité, on va parler un peu de la représentativité des élus. Parce que j'avais noté une phrase que je vous ai soumise là. Si vous votez pour le maire de votre commune, mais que, in fine, les décisions sont prises par l'intercommunalité, que la plupart des services de votre ville, eau, électricité, traitement des déchets, sont délégués à des oligopoles d'entreprises sans réelle transparence, on a des témoins, vous sentez-vous vraiment représenté ? La question est, quel pouvoir le maire a-t-il aujourd'hui, véritablement, coincé dans sa fonction d'élu, et surtout d'élu intercommunal, où les décisions sont prises au niveau de l'intercommunalité ? Alors, c'est vrai qu'on pourrait y voir une forme de limite au pouvoir des maires. Et donc, on pourrait se dire, c'est ce que vous dites, hein, ça alimente la désaffection électorale. Mais qui est-ce qui gouverne ? Enfin, qui sont dans les instances décisionnaires des intercommunalités ? Ce sont justement les maires. Donc, d'une certaine façon, on peut dire que le développement de l'intercommunalité redonne du pouvoir, une place centrale aux maires par rapport au conseil municipal, puisque ce sont ensuite les maires qui se retrouvent dans les intercommunalités. Donc, même si... Il y a très peu de... Il y a une certaine, un manque de publicité évident, il y a un manque de connaissance de ce qui se passe dans les structures intercommunales qui, peut-être, alimentent cette idée que, effectivement, les maires sont dépossédés. Mais si on regarde ce qui se passe, en fait, concrètement, ça ne les dépossède pas complètement, puisque ce sont eux qui sont dans les instances communautaires. Donc je pense qu'il y a d'autres facteurs derrière la hausse de l'abstention électorale au local. Ouais. Oui, alors ça vous faites bien de le dire, parce que c'est quelque chose qu'on avait découvert avec votre collègue Fabien Desage, qui est co-auteur avec David Guéranger de La politique confisquée. Je pense que ce livre est toujours d'actualité, d'ailleurs, à mon avis. Hein. Il date de 2011, 6 ans plus tard, c'est toujours d'actualité. Vous faites bien de dire... Il est séparé, le maire se sépare aussi de son conseil municipal, en fait. Les décisions qui sont prises dans l'intercommunalité n'ont pas grand-chose à voir avec les décisions, le conseil municipal. Et ça, c'est un véritable problème, parce que moi, je pense que le moindre des choses, c'est de rendre compte de ce qu'on fait, de dire pourquoi on a voté. Mais j'ai l'impression que c'est pas ça. On a l'exemple, que je ne citerai pas, de maires qui sont d'accord avec certaines idées de leur idéologie, pour le dire comme ça, mais qui votent au contraire au conseil communautaire, parce que il y a une politique là, d'arrangement, on va dire, pour être gentil, qui aboutit finalement, ce que dénonce De Sage, à des consensus mous, en fait. Oui, alors, mais ce que disent aussi Fabien De Sage et David Guéranger, c'est que ces arrangements dans les instances intercommunales, ce sont des arrangements très, très communaux. C'est-à-dire que ce qui domine la logique de la décision, ce qui oriente la décision, c'est le souci qu'a chaque commune de continuer à être maître chez elle. Et donc, des élus communaux, de continuer à être maître chez eux et de ne pas se voir imposer trop de choses par les instances communautaires. Donc, voilà, c'est un arrangement, mais qui est un arrangement malgré tout, justement, aussi pour préserver son identité d'élu communal, puisqu'il reste élu à l'échelle municipale. Quoi. Et sa prochaine réélection, bien entendu. Et oui, alors, une question quand même qui est intéressante, hein, que vous soulevez dans votre livre, qui sont les maires d'aujourd'hui, pour ne rester qu'au niveau des maires? Qui sont-ils et d'où viennent-ils? Alors... Peut-être que pour résumer les choses, ce qu'on peut dire, c'est qu'on observe chez les élus locaux les mêmes distorsions de représentation que celles qu'on observe chez les élus nationaux. Ce que je veux dire par là, c'est que les élus locaux ne sont pas plus représentatifs de l'ensemble de la population que ne le sont les députés et les sénateurs. Et donc, très concrètement, c'est-à-dire que les catégories sociales supérieures sont surreprésentées parmi les maires. Et point intéressant à noter, enfin, pas seulement parmi les maires d'ailleurs, y compris chez les conseillers régionaux, les conseillers généraux. Et point intéressant à noter, c'est que ce qu'on appelle les distorsions de représentation, ces distorsions de représentation, elles ont eu tendance à augmenter ces dernières années. Hein, c'est-à-dire qu'il y a régulièrement des sociographies qui sont faites des élus locaux. Et si on compare la photographie d'aujourd'hui à celle du début des années 80, eh bien, on voit qu'il y a une très forte surreprésentation des catégories sociales supérieures. Et notamment dans les grandes villes. Hein, 88%, je crois, si j'ai le bon chiffre en tête, hein, 88% des maires de villes de plus de 30 000 habitants sont issus des catégories sociales supérieures. Voilà. Je pense que c'est assez significatif, en effet. Bon, tout ça joue dans la fausse représentativité des maires, en fait. On est bien là, quoi. C'est d'une catégorie sociale qui se reproduit. Et vous dites également qu'en fait, alors on a un bon exemple national avec l'affaire Fillon, c'est-à-dire que ce sont les mêmes qui étaient assistants parlementaires qui deviennent parlementaires. Et dans ce que j'ai pu lire dans votre ouvrage, c'est qu'on retrouve que les conseillers du maire, les experts, les consultants, etc., eux aussi vont jouer la carte électorale un jour dans leur carrière. Oui, effectivement, c'est un autre point important à souligner quand on fait cette sociographie des élus locaux, parce que là aussi, c'est un phénomène plutôt émergent, enfin, en tout cas relativement récent, que de voir qu'effectivement, il y a un plus grand... effectivement, il y a un vivier local... effectivement, qui nourrit l'accès aux positions électives. Et avoir travaillé pour un élu, c'est un tremplin pour devenir élu soi-même. Donc ça renforce effectivement cette idée, enfin ça renforce ce processus de professionnalisation en fait aussi de la vie politique. C'est-à-dire qu'on parle de professionnalisation non plus seulement parce que effectivement on fait carrière en politique, c'est-à-dire qu'une fois qu'on est rentré, bien, on y reste assez longtemps, mais professionnalisation aussi parce que finalement on est un professionnel des affaires publiques locales. On a été fonctionnaire territorial auparavant ou conseiller, membre d'un cabinet, etc., assistant, voilà. Donc voilà, effectivement, ça c'est un phénomène aussi intéressant à souligner et qui, d'une certaine façon, là aussi peut être lu comme un effet des politiques de décentralisation. Parce que en ayant plus de compétences, ayant plus de domaines à prendre en charge, eh bien, les collectivités territoriales se sont étoffées en moyens administratifs. Donc leurs administrations se sont renforcées, avec y compris émergence de ce qu'on peut appeler des hauts fonctionnaires territoriaux, c'est-à-dire voilà, des cadres dans ces collectivités territoriales qui se situent à la frontière du politique et de l'administratif et qui du coup passent assez facilement voyez, les frontières, qui sont toujours des frontières très floues, entre l'activité administrative et l'action politique. Et de la même façon, les élus locaux étant investis de missions plus importantes et aussi d'une image effectivement politique plus importante, eh bien, se sont entourés effectivement d'assistants, de conseillers plus nombreux. Donc voilà, c'est vrai que on a vu ce phénomène depuis les années 1980 de renforcement des entourages des élus locaux, entourage notamment dans les cabinets. Effectivement des exécutifs locaux, mais entourage, forme d'assistants, et effectivement, tout ce vivier devient une nouvelle voie d'accès aux fonctions électives locales. Ouais. René. En même temps, c'est un entre-soi, quoi, une bulle où, en fait, les gens sont de plus en plus coupés, peut-être, des réels problèmes de la population locale et... On peut effectivement le voir comme ça, c'est évident, c'est-à-dire, c'est ce que je disais, c'est-à-dire qu'on est dans une forme de professionnalisation, c'est-à-dire que, y compris professionnellement, finalement, on a affaire à des élus qui ont été formés d'abord et avant tout à la gestion publique locale ou au conseil politique local. Donc voilà, on a des profils qui sont effectivement de plus en plus marqués par cet investissement et politique et professionnel dans les affaires publiques locales. Et on a envie de dire, et la politique dans tout ça, quoi. Parce qu'on a vraiment l'impression qu'on s'éloigne avec cette professionnalisation de véritables enjeux politiques, et ça vous le soulignez assez bien également, et surtout on met son idéologie à la porte, quoi. On essaie de rouler... c'est pas un terme négatif dans ma tête ici, hein. De continuer de vivre jusqu'à la prochaine élection, quoi. Je trouve ça très inquiétant, en fait, parce que quels sont les projets à lamelles qui veulent faire la capitale du design en 2020? C'est pas un projet, ça n'a pas de sens, hein. C'est complètement en opposition avec la réalité sociale de la région, enfin, de la région, de la métropole, bien sûr. Oui, mais quand vous dites ça, là, on est en pleine politique. Vous voyez bien que là, on a du choix politique. Vous dites que c'est en décalage. Donc, ça veut dire qu'effectivement, à un moment donné, il y a des choix politiques qui sont faits. Alors, effectivement, qu'on peut regretter, contester, déplorer. Mais moi, je vois de la politique, là. C'est-à-dire que, justement, de dire que la priorité de notre territoire, c'est d'être capitale du design plutôt que lutter contre les inégalités territoriales ou de promouvoir le logement social ou que sais-je. Si on essaye de simplifier les choses comme ça, là, au contraire, on est dans la politique. Vous ne pouvez pas dire qu'il n'y a pas de politique. Vous avez raison, je vois trop de réalité sociale dans la politique. Une question pour terminer. Alors vous pointez aussi le vieillissement effectivement du personnel politique. Ah oui. Bon, là aussi, c'est lié en partie effectivement au cumul des mandats, j'imagine. Le fait d'avoir des carrières politiques qui s'auto-entretiennent avec des cumuls. Donc j'imagine qu'il y a avec une forte présence de une surreprésentation des hommes sur les femmes. On terminera là-dessus. Bon, là aussi, absolument pas surprenant du tout. Oui, pas surprenant et pouvoir... en tout cas très conforme à ce qu'on observe également à l'échelle nationale. Mais c'est peut-être ça peut néanmoins être intéressant de le souligner et de rappeler que justement, il n'y a pas vraiment de spécificité de la démocratie locale, de la démocratie élective locale. C'est pas parce que c'est local que c'est plus démocratique, en fait. Et on le voit à plein de niveaux. Mais on le voit y compris au niveau de la représentativité des élus. C'est-à-dire qu'on observe au niveau local les mêmes phénomènes d'abstention, les mêmes phénomènes de professionnalisation de la vie politique, etc. Voilà, merci Anne-Cécile Douillet d'avoir participé à cette émission. C'était votre première émission radio, j'ai cru comprendre. Ah, nous sommes ravis de faire de cette première. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, nous, on est bien contents de vous avoir reçu et on a trouvé vos propos très éclairants. Merci beaucoup. Merci à vous. Gérard, vous avez bien tiré, mais absolument mal jugé. Ouais, c'est la bavure, quoi. C'est la bavure, très bonne explication, très bien. Au marché de Brive-la-Gaillarde, à propos de bottes d'oignons, quelques douzaines de gaillardes se crêpaient un jour le chignon, à pied, à cheval, en voiture. Les gendarmes mal inspirés vinrent pour tenter l'aventure d'interrompre les chauffourées. Or, sous tous les cieux sans vergogne, c'est un usage bien établi. Dès qu'il s'agit de brosser les cognes, tout le monde se réconcilie. Ces furies paient en toute mesure, se ruèrent sur les guignols et donnèrent, je vous l'assure, un spectacle assez coquignol. En voyant ces femmes Pandore être à deux doigts de succomber, trois biches car je les adore. Sous la forme de Maccabée, de la mansarde où je réside, j'excitais les farouches bras des mégères gendarmicides en criant hippipipourra. Frénétique l'une d'elles attache le vieux maréchal des logis et lui fait crier Moron vache, Moron loi, vive l'anarchie. Une autre fourre avec rudesse le crâne d'un de ses lourdeaux entre ses gigantesques fesses qu'elle serre comme un étau. La plus grasse de ses femelles, ouvrant son corsage dilaté, matraque à grands coups de mamelle. Ceux qui passent à sa portée, ils tombent. Et selon les avis compétents, il paraît que cette hécatombe fut la plus belle de tous les temps. Jugeant enfin que leurs victimes avaient eu leur compte en deniers, ces furies comme outrage ultime, en retournant à leurs oignons, ces furies à peine si j'ose le dire tellement ses balles leur auraient même coupé les choses. Par bonheur ils n'en avaient pas, leur auraient même coupé les choses. Par bonheur ils n'en avaient pas. Mais tu présentes les mines. Oui. Alors, c'était. Donc, vous avez reconnu la reprise de Georges Brassens, Hécatombe, de René Binamé, un groupe anarcho-punk belge. Voilà, complètement dans ton terrain. René va nous parler des activités d'attaque et je vais essayer de te lancer. Donc, au plan national, il y a effectivement les Paradise Papers qui n'ont pas échappé à attaque. Oui, alors, Paradise Papers, l'évasion fiscale, un scandale d'État. Le nouveau scandale des Paradise Papers, 18 mois après celui des Panama Papers, met en relief l'envergure et la banalisation de l'évasion fiscale. Il démontre que les paradis fiscaux ne sont pas une anomalie du système, ils en sont un rouage essentiel. Qu'ils soient légaux ou pas, les montages fiscaux qui permettent à des ultra-riches ou à des multinationales d'échapper à l'impôt sont inacceptables. En effet, ils aggravent fortement les déficits publics, contribuent à l'injustice fiscale et à une baisse du consentement à l'impôt, et minent ainsi l'un des piliers de la démocratie, servent aussi d'argument à l'affaiblissement des services publics et de la protection sociale. Oui, et on ne dira pas, c'est inutile, le rôle des banques dans cette optimisation fiscale. Oui. Et des avocats d'affaires. On a même eu un président de la République qui est avocat d'affaires, il me semble. Les Paradise Papers, on réclame une instauration d'une taxe globale des multinationales. C'est un appel d'attaque, toujours. Appel à l'instauration d'une taxe globale sur les multinationales. Donc une taxe globale sur les multinationales pourrait être le socle d'une nouvelle donne mondiale, où les paradis fiscaux et la concurrence fiscale n'auraient plus leur place. Nous vous invitons donc à signer cet appel sur le site d'Attaque France, https://france.attaque.org/. Vous pouvez aussi taper tout simplement Attaque France, vous arrivez sur le site. C'est aussi simple. Et Apple, qui a vraiment été la tête de turc d'Attaque pour ces prochaines semaines. Oui, alors Apple, le hold-up mondial, là c'est la campagne hashtag iPhone Révolte. Dans un rapport publié le 9 novembre intitulé Apple, le hold-up mondial, Attaque révèle que dans ses montages fiscaux sophistiqués, la marque à la pomme aurait dû payer 16 milliards d'euros d'impôts à l'échelle de l'Union européenne, dont 2,7 milliards rien que pour la France depuis 2002. Alors cette publication, donc sur le site d'Attaque aussi, s'inscrit dans le cadre de la campagne où je viens de citer, hashtag iPhone Revolt, qui est lancée à l'occasion de la sortie de l'iPhone 10, dont je vous ai parlé au cours de la précédente émission, si vous vous rappelez. Absolument, comme j'étais là. Plusieurs actions ont déjà eu lieu, notamment à Paris et à Aix-en-Provence. Et d'autres sont prévues, notamment ici, dans la métropole. Est-ce possible ? Et puis, il y a le climat. Il y a le climat et il y a un article très intéressant dans lequel auquel participe Maxime Combes dans Le Politiste de cette semaine. Tout à fait. Alors, climat, on entre dans le dur. Donc, 2 ans après la COP21, donc ici à Paris, les émissions mondiales de gaz à effet de serre continue à augmenter, plus 0,5% en 2016, selon les dernières données disponibles. On peut bien sûr en accuser Trump, mais il faut aussi souligner le peu d'ambition de la politique climatique européenne, ainsi que la ratification du CETA, traité de libre-échange particulièrement climaticide, avec sa mise en application provisoire depuis septembre. Il est malheureusement peu probable que la COP23, qui se tient à Bonn du 6 au 17 novembre, permette d'infléchir notablement cette situation. C'est ce qu'on a dit, effectivement, c'est le constat final, puisque ça a terminé hier, c'est le constat final de la COP23. Ah oui. Et pourtant, c'était les îles Fidji qui avaient la présidence, qui sont particulièrement menacées par la montée des eaux. Et puis, PSB Paribas n'en finit plus de se plaindre d'Attaque. On attaque une militante en justice. Ça se passe à Carpentras, c'est ça ? Voilà. Donc, Nicole Briand, qui est une militante d'Attaque, est convoquée au tribunal de Carpentras le 6 février 2018 pour vol en réunion et refus de donner ses empreintes ADN. Nicole a participé à une action symbolique de fauchage de chaises dans l'agence BNP Paribas de Carpentras le 17 mars 2016. Cette action symbolique et non violente, je le rappelle, s'est déroulée dans le cadre d'une campagne de sensibilisation à l'évasion fiscale. Décidément. Pour information, BNP Paribas est l'une des principales organisatrices de l'évasion fiscale, ce qu'on disait tout à l'heure. Elle vient d'ailleurs d'être condamnée pour ses pratiques par les autorités fiscales britanniques. C'est pas mal, je trouve. Nous vous appelons donc à être les plus nombreux possibles le 6 février 2018 à 8h30 devant le tribunal de Carpentras. Au plan local maintenant. Eh bien, le 16 novembre, c'est un ciné-débat organisé par Attaque Roubaix-Tourcoing avec plusieurs autres organisations au duplex de Roubaix. C'était la projection de La Sociale, film de Gilles Perret sur la sécurité sociale, son histoire et les menaces que font poser sur elle les politiques néolibérales. Il faut absolument voir ce film, en fait. Hein. Le 17 novembre, on ne marchera pas. Oui, alors, la soirée organisée par, entre autres, par le Top Théâtre, et sur les conséquences du coup d'État social sur nos vies, Après la loi travail, un spectacle présenté par le théâtre de l'opprimé. Il y a eu présentation de plusieurs analyses et témoignages et des tables rondes qui ont réuni par petits groupes les participants pour réfléchir, échanger et proposer des pistes afin de s'organiser face aux politiques qui se mettent en place. Nous étions environ une quarantaine de participants. Avec une intervention remarquable de René. Oui. Merci. On va s'arrêter là. D'accord. Simplement. Non, quand même, ce soir, cet après-midi. Oui. Donc cet après-midi, déjà, Grand Place à Lille, le 18. Donc il y a la manifestation pour la votation du CETA, donc pour demander un référendum. N'hésitez pas à passer nous voir. Et début décembre, je n'en dis pas plus, une action est prévue sur la métropole contre Apple. Voilà. Oui, donc l'agenda militant. Donc, on commence cet après-midi à 15h, rencontre avec l'historienne Lima à la Bresse, 23 rue Gosselet à Lille, sur le thème « Les travailleurs chinois oubliés de la Grande Guerre ». Entre 1916 et 1922, sur la demande des autorités françaises et anglaises, en manque de main-d'œuvre, 140 000 Chinois sont envoyés par leur gouvernement dans une Europe ravagée par la guerre, notamment dans le Nord-Pas-de-Calais, donc organisée par l'atelier d'histoire critique et les Amis du monde diplomatique du Nord. Tout le mois de novembre, Festival Palestine, pour mieux connaître la lutte du peuple palestinien, excusez-moi. Donc au programme film, danse, musique, théâtre, débat, conférence. Donc tout le programme sur le site festivalpalestine.toutattaché.unblog.fr. Donc venez partager vos expériences de du travail et discuter de la différence entre travail et emploi. Qui décide de la valeur de ce que je produis? Le salaire est-il vraiment la récompense du travail? Pourquoi n'est-ce pas un doux rêve d'affirmer que le salaire doit être déconnecté du travail? Ce sont quelques-unes des questions qui seront abordées. C'est le 21 novembre à 18h à l'APU du Vieux-Lille, 14 rue des Tours. La compagnie Un Pas de Côté vous propose une représentation théâtrale engagée intitulée « Le maniement des armes ». Pour rappel, en 2016, la France est le troisième exportateur mondial d'armes, un commerce qui se mêle à la politique et aux médias dans un contexte où le citoyen n'a aucune place. Le spectateur est plongé dans une réalité entre ténacité des juges, écoute téléphonique, guerre qui gronde, famille qui éclate. Ça sera à Avion, dans le Pas-de-Calais, à l'espace culturel Jean Ferrat, place de l'Hôtel de Ville, donc le jeudi 23 novembre à 20h. Manifestation le samedi 25 novembre à 15h, place de la République à Lille, contre le bail précarité logement. Les conséquences de ce bail sont claires, la précarité dans le travail s'accompagnera désormais de la précarité dans le logement. Le gouvernement s'attaque encore une fois de plus aux personnes dont la situation salariale est précaire. La société Louise Michel, Lille et l'équipe En attendant le grand soir organisent un débat avec les auteurs de Sociologie de Lille. Donc ça sera au théâtre de la Verrière, 28 rue Alphonse, à Lille, le lundi 25 novembre à 19h. Alphonse, merci oui, Florent. Excusez-moi, j'ai oublié un bout. À Lille, le récit d'une agglomération reconvertie en métropole tertielle, culturelle et créative semble avoir chassé les fantômes de la crise économique. Mais 50 ans après le début de la désindustrialisation et sans nier les dynamiques économiques et culturelles nouvelles, la bifurcation tertiaire est loin d'avoir tenu ses promesses. Donc ensuite, rencontre avec Armel Campagne autour du livre « Le Capitalocène aux racines historiques du dérèglement climatique hein, ». Ce sera au CCL à Lille le 27 novembre à 19h30. Donc au programme, le dérèglement climatique nous aurait fait entrer dans l'Anthropocène, cette ère écologique durant laquelle l'espèce humaine serait devenue la force écologique majeure. Mais le dérèglement climatique est-il réellement imputable à l'espèce humaine de manière indifférenciée et prise comme espèce naturelle? Des historiens ont mis en doute cette vision simpliste en faisant de l'industrialisation et donc du dérèglement climatique un processus résultant avant tout des dynamiques du capitaliste, inventant à cette occasion un nouveau concept, le capitalocène. Et pour finir, le lundi 4 décembre à 20h, à la scène nationale La Rose des Vents de Villeneuve-d'Ascq, conférence sur le thème « Robots humanoïdes ou humains robotisés, avenir de l'homme ?» avec Cécile Dolbeau-Bandin et Arthur Fouchère. Donc derrière les fantasmes, quelles sont aujourd'hui les réalités de ces développements? Au Japon, le développement de la robotique de service semble incontournable face au vieillissement de la population, alors que la population mondiale ne cesse de croître. Quels sont les modèles économiques qui sous-tendent ces développements coûteux en recherche ? Devant les difficultés, l'interaction homme-machine n'est-elle pas plus réaliste ? Faut-il aller jusqu'à l'hybridation, comme le promet l'idéologie transhumaniste ? Voilà. Merci Florent. On va se dire au revoir, passez un bon week-end, prenez soin de vous. Vous savez quand même que vous pouvez réécouter Angle d'attaque pendant les deux mois qui suivent cette émission sur campuslille.com et éternellement sur attaquelille.over-blog.com. Vous faites Attaque Lille, ça va aller. Nous y avons archivé nos cinq premières saisons et vous y retrouvez dans quelques jours l'émission d'aujourd'hui. On se retrouve le 16 décembre avec un autre thème, toujours bien sûr sur 106,6 MHz ou sur campuslille.com. Stramattina mi sono alzato. Oh bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Stramattina mi sono alzato ed ho trovato l'invasore. Oh partigiano, portami via. Oh bella ciao, ciao, ciao, ciao, partigiano.